sans songer que dans une bouffée, un génie noir aux yeux des bêtes vient pénétrer ses alvéoles. Je suis la mort, je suis la mort, je t'aime cadavre, je t'aime, je suis la mort, je suis la mort, je t'aime cadavre, je t'aime. Je suis la mort qui se distingue des tribaux fumés, pervertis, et je me ris. Je t'aime.